Je ne suis qu'une pauvre fille, moi, une paysanne, et j'ai bien su m'y créer une indépendance, ajouta-t-elle en terminant. Écoutez-moi, si vous voulez bien sérieusement travailler, j'ai quelques économies, je vous prêterai mois par mois l'argent nécessaire pour vivre, mais pour vivre strictement, et non pour bambocher, pour courailler. On peut dîner à Paris à 25 sous par jour. Et je vous ferai votre déjeuner avec le mien tous les matins. Enfin, je meublerai votre chambre et je payerai les apprentissages qui vous sembleront nécessaires. Vous me donnerez des reconnaissances en bonne forme de l'argent que je dépenserai pour vous. Et quand vous serez riche, vous me rendrez le tout. Mais si vous ne travaillez pas, je ne me regarderai plus comme engagé à rien et je vous abandonnerai. Ah ! S'écria le malheureux qui sentait encore l'amertume de sa première étreinte avec la mort. Les exilés de tous les pays ont bien raison de tendre vers la France, comme font les âmes du purgatoire vers le paradis. Quelle nation que celle où il se trouve des secours, des cœurs généreux partout, même dans une mansarde comme celle-ci. Vous serez tout pour moi, ma chère bienfaitrice. Je serai votre esclave. Soyez mon amie, dit-il avec une de ces démonstrations caressantes, si familières aux Polonais, et qui les fait accuser, assez injustement, de servilité. Oh non, je suis trop jalouse, je vous rendrai malheureux, mais je serai volontiers quelque chose comme votre camarade, reprit Lisbeth. Oh, si vous saviez avec quelle ardeur j'appelais une créature, fût-ce un tyran, qui voulut de moi quand je me débattais dans le vide de Paris, reprit Venceslas. Je regrettais la Sibérie, où l'empereur m'enverrait si je rentrais. Devenez ma providence. Je travaillerai, je deviendrai meilleur que je ne suis, quoique je ne sois pas un mauvais garçon. Ferez-vous tout ce que je vous dirai de faire ? Demanda-t-elle. Oui. Eh bien, je vous prends pour mon enfant, dit-elle gaiement. Me voilà avec un garçon qui se relève du cercueil. Allons, nous commençons. Je vais descendre faire mes provisions. Habillez-vous, vous viendrez partager mon déjeuner quand j'aurai cogné au plafond avec le manche de mon balai.